Chapitre 23, Dissimulation. Le même soir, comme presque tous les autres soirs de l'année, le général Harding était assis dans sa salle à manger. Une carafe de vieux porto et un verre à portée de sa main droite. Un chéreau de Trinconopoli entre les dents. Et flanqué à gauche de mademoiselle sa sœur. Le dîner était terminé depuis une heure. La nappe et les couverts avaient été enlevés. Les carafes à dessert disposées sur la table, à côté d'un surtout rempli de fleurs et d'une corbeille de fruits. On avait congédié le valet de pied. 9 heures passées, dit le général en consultant sa montre. Et Nigel ne revient pas. Il ne devait pas rester à dîner pourtant. Je me demande si ces dames Mainwaring étaient à la fête. C'est assez probable, répondit la vieille fille, très portée de sa nature aux conjectures déplaisantes. Oui, murmura le général se parlant à lui-même, assez probable, je suppose. Je ne crains rien pour Nigel. Il n'est pas homme à se laisser endoctriner par les chatteries de cette coquette. Par Dieu, ma sœur, n'est-il pas étrange que nous n'ayons pas entendu parler du garçon depuis qu'il nous a quittés? Attendez qu'il ait gaspillé les 1000 livres que vous lui avez donnés. Quand il sera au bout, vous aurez certainement de ses nouvelles. Sans doute, sans doute. Pas un mot depuis l'inconvenante lettre qu'il m'a adressée de l'auberge, pas même pour accuser réception de l'argent. Je suppose qu'il l'a touché. Je n'ai pas consulté mon livre de banque depuis une éternité. Oh, vous pouvez en être certain, sans quoi il n'aurait pas manqué de vous écrire. Henri ne peut pas se passer d'argent. Vous avez de bonnes raisons pour le savoir. Ne vous tourmentez pas à son sujet, mon frère. Il n'a pas vécu jusqu'ici de l'air du temps. Où peut-il être? Il disait qu'il s'expatrierait. Je pense qu'il l'a fait. Oh, ceci est plus que douteux, reprit la vieille fille en branlant la tête. Londres est le lieu qui lui convient, tant que sa bourse sera pleine. Quand il l'aura mise à sec, il vous demandera un nouveau subside. Comme de juste vous l'enverrez, n'est-ce pas, mon frère? Cette question était faite d'un ton ironique, destiné à produire l'effet contraire à son sens apparent. « Pas un shilling, » dit résolument le général, en déposant son verre sur la table, d'un mouvement si brusque qu'il faillit le briser. « Pas seulement un shilling. Si en 12 mois il est parvenu à dépenser 1000 livres sterling, 12 ans se passeront avant qu'il en reçoive autant. Non, pas un shilling avant ma mort, et alors même qu'il n'aura que juste de quoi ne pas mourir de faim. Je l'ai décidé, ma chère Nelly. » Nigel aura tout, à l'exception d'une petite somme qui vous est destinée. Henri aurait hérité de sa moitié. Mais après ce qui est arrivé, j'entends un bruit de roue. C'est Nigel avec le doc Cart, je suppose. Quelques instants après, le fils du général entrait dans l'appartement. Tu viens un peu tard, Nigel. Oui, père, le train était en retard. Il montait. Son retard provenait d'une station un peu prolongée au cottage de la veille Mainwaring. Tu t'es bien amusé, j'espère. Assez, tant mieux. Et qui se trouvait là? Quant à cela, il ne manquait pas de monde. On était venus de Bucks et du Berkshire, sans parler d'une 40aine de badauds de Londres. Et parmi nos voisins? Ma foi, je ne vois guère. Je m'étonne que la veuve Mainwaring... Ah oui, elle y était. Je n'y pensais pas. Et sa fille aussi, comme de juste. Oui, sa fille aussi. À propos, ma tante, continua le jeune homme pour détourner la conversation, ne me demanderez-vous pas de boire un verre de vin avec vous? Je voudrais bien, par la même occasion, avoir quelque chose à me mettre sous la dent. Nous n'avons eu qu'un goûter debout. C'est comme si je n'avais rien pris, et je me sens d'appétit à dévorer un beefsteak cru. Nous avions à dîner un canard rôti, dit la tante, et des asperges. Tout est froid maintenant, cher Nigel. Veux-tu attendre qu'on réchauffe? Peut-être préféreras-tu un morceau de bœuf froid avec des conserves des Indes occidentales. N'importe, pourvu que je mange. Prends un verre de porto, Nigel, dit le général, pendant que sa sœur faisait resservir. D'après ce que je vois, tu n'as pas besoin d'une goutte de cognac pour t'ouvrir l'appétit. Non, certes, j'ai l'estomac assez creux. Comme il est tard, père. Les horloges de la compagnie ou ses trains marchent en dépit du sens commun. Quelle triste ligne pour la régularité des repas. Oui, et plus triste encore pour la régularité des dividendes, répliqua le général avec un sourire qui ressemblait à une grimace. Il possédait des actions de la compagnie que son fils traitait avec autant d'irrévérence. Nigel avala son verre de porto en riant de la plaisanterie paternelle et se mit ensuite à jouer activement des mâchoires.